Yeah, my dog. Tug life. Yeah, dog. The street life, the thug life. Eh, yeah, dog. Un seul parole qu'a sorti d'un déjol. Promesse le mot bien la jol. A te fait chercher le bon wall. La ria, c'est pas ça qu'au cas il y a. Acteur principal là, souvent cadet dans street là. Fuck chef, fuck l'état. Babylone a toujours rivé après mes là. Trop mes basse, c'est bise là. Y'a besoin de couler entreprise là. Ma reggaeton yout la pou zeb la lo ke ton a kokayina ka rive si kot la ki jon pale ken yon kont sa. A pa de complaint se de consta lo ka pon kor pon gangsta. You brake yo, dog se la ria ki kon sa. Pou manje met ko en danje bien souvent te ke le sa change. Vio san vi range men la jan sa la pi facile la tombe. Tombe. Thug life. Thug life. Thug life. Thug life. Everyday I'm hustling. Thug life. Thug life, thug life. We know thug life, thug life, thug life. Every day I'm hustling. Thug life, thug life, thug life. Yeah dog, say trap, shot, kill or die. Dis Cupidon, fous tes fucking flèches, aïe en bon die. Fight pour respect, bala bon jol. Comme médaille, faut s'abladier, pas qu'à résumer quand y'en c'est le bataille. Tête la périche, ou peut qu'elle ou ancienne, teste la pauvre. Obligé à j'y compte des fauves, les paniers à ses fils, beaucoup les poches, les proches. Qu'à disparaître entre deux mains, quand ni l'homme ghetto à la place l'encre, ou laisse en moins qu'à refléter l'état, les comptes en banque. Nos merci depuis tout petit, la chance en suicide ou en souci, en pas fléchi, mais en plutôt réfléchi. Musique à thug, la recueille qu'à refléter, à pas en gel, mais en gun, des mecs là qui l'a capété. Thug life, thug life. Thug life. Every day I'm hustling. Thug life, thug life, thug life. We know thug life, thug life, thug life. Every day I'm hustling. Thug life, thug life, thug life.